Les Coréens ont fêté Seolmyeongjeol, jour de l'an du calendrier lunaire de l'an 106 du Joseon 2017. À cette occasion, ils se sont rendus sur la place du Palais du Soleil de Kumsusan, au lieu suprême du Joseon, où se trouvent exposées les dépouilles embaumées du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, et se sont inclinés devant leurs portraits en sourire. Ils ont visité également les statues et portraits souriants des grands leaders érigés sur la Gwalimansu à Pyongyang et dans tous les coins du pays pour leur rendre hommage. Des représentations artistiques sont données dans les théâtres à Pyongyang et dans les provinces, par exemple l'opéra révolutionnaire La Jambe Cotière dans le Grand Théâtre de Pyongyang et le drame La Lignée de Sang à la province du Fang et du Nord par la troupe de théâtre d'État. Sur la place Kim Il-sung et devant le palais des enfants de Mangyongdae ont eu lieu les jeux au cerf-volant des enfants de tout le pays, alors que des jeux folkloriques sur la place de Hamun, de Kangae et ailleurs. Les restaurants ont servi les clients des plats nationaux.